Aurore, réflexion sur les préjugés moraux. Avec ce livre commence ma campagne contre la morale. Non point que l'on y sente le moins du monde l'odeur de la poudre. On lui trouvera au contraire de toute autre senteur un parfum bien plus agréable, pour peu que l'on ait quelques délicatesses de flair. Il n'y a pas là de fracas d'artillerie, pas même de feu de tirailleurs. Si l'effet de ce livre est négatif, ses procédés ne le sont en aucune façon, et de ses procédés l'effet se dégage comme un résultat logique, mais non pas avec la logique brutale d'un coup de canon. On sort de la lecture de ce livre avec une défiance ombrageuse à l'endroit de tout ce qu'on honorait, et même de tout ce que l'on adorait jusqu'à présent sous le nom de morale. Et pourtant, on ne trouve dans le livre tout entier ni une négation, ni une attaque, ni une méchanceté. Bien au contraire, il s'étend au soleil, lisse et heureux, tel un animal marin qui prend un bain de soleil parmi les récifs. Aussi bien étais-je moi-même cet animal marin. Presque chaque phrase de ce livre a été pensée et comme capturée dans les mille recoins de ce chaos de rochers qui avoisine Gênes et où je vivais tout seul, échangeant des secrets avec la mer. Maintenant encore, si par aventure je reprends contact avec ce livre, chaque phrase presque est pour moi comme un bout de fil à l'aide duquel je ramène des profondeurs quelques merveilles incomparables. Sur sa peau courent partout des frissons délicats de souvenirs. L'art qui distingue ce livre n'est point à dédaigner. Il sait surprendre les choses qui passent légèrement et sans bruit, des instants que je compare à de divins lézards, et les fixer un instant, non pas avec la cruauté de ce jeune dieu grec qui embrochait simplement les pauvres petits lézards, mais pourtant à l'aide d'une pointe acérée, la plume. Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui. Cette inscription hindoue se dresse au seuil de ce livre. Où l'auteur cherche-t-il cette aube nouvelle? Cette rougeur délicate, invisible encore, qui annonce un jour nouveau, oh, toute une série, tout un monde de jours nouveaux. Dans une transmutation de toutes les valeurs, par quoi l'homme s'affranchira de toutes les valeurs morales reconnues jusqu'alors, dira oui et osera croire à tout ce qui, jusqu'à présent, fut interdit, méprisé, maudit. Ce livre, tout d'affirmation, répand sa lumière, son amour, sa tendresse, sur toutes sortes de choses mauvaises, et il leur restitue leur âme, la bonne conscience, leur droit souverain, supérieur à l'existence. La morale n'est pas attaquée. Elle ne compte plus. Ce livre se termine par un « ou bien ». C'est le seul livre au monde qui finisse par « ou bien ». Ma tâche de préparer à l'humanité un instant de suprême retour sur elle-même, un grand midi, où elle pourrait regarder en arrière et regarder dans le lointain, où elle se soustrairait à la domination du hasard et des prêtres, et où elle se poserait pour la première fois, dans son ensemble, la question du pourquoi et du comment. Cette tâche découle nécessairement de la conviction que l'humanité ne suit pas d'elle-même le droit chemin, qu'elle n'est nullement gouvernée par une providence divine, que bien au contraire sous ses conceptions des valeurs les plus saintes, se cacher d'une façon insidieuse l'instinct de la négation, l'instinct de la corruption, l'instinct de décadence. Le problème de l'origine des valeurs morales est pour moi une question de tout premier ordre, parce que l'avenir de l'humanité en dépend. L'obligation de croire que toute chose se trouve dans les meilleures mains, qu'un seul livre, la Bible, rassure définitivement au sujet du gouvernement divin et de la sagesse dans les destinées de l'humanité, si on la transcrit dans la réalité, équivaut à la volonté d'étouffer la vérité qui démontrerait exactement le contraire, à savoir cette conviction lamentable que jusqu'à présent l'humanité a été en de mauvaises mains, qu'elle a été gouvernée par les déshérités qu'animent la ruse et la vengeance, par ceux que l'on appelle les saints, ces calomniateurs du monde qui souillent la race humaine. La preuve décisive, d'où il ressort que le prêtre, sans en excepter les prêtres masqués, les philosophes, et devenu le maître non seulement dans les limites d'une communauté religieuse déterminée, mais d'une façon générale, que la morale de décadence, la volonté de la fin, passe pour la morale par excellence, c'est la valeur absolue dont on investit partout les actes non égoïstes et l'inimitié dont on poursuit tout ce qui est égoïste. Celui qui n'est pas d'accord avec moi sur ce point, je le considère comme infecté. Mais c'est le monde entier qui n'est pas d'accord avec moi. Pour un physiologiste, une telle contradiction de valeurs ne laisse plus aucun doute. Quand, dans l'ensemble de l'organisme, le moindre organe se relâche, fût-ce même en une très petite mesure, et cesse de faire valoir avec une sûreté parfaite sa conservation de soi, son énergie propre, son égoïsme, l'ensemble aussitôt dégénère. Le physiologiste exige l'ablation de la partie dégénérée. Il nie toute solidarité avec ce qui dégénère. Il est loin de le prendre en pitié. Mais le prêtre veut précisément la dégénérescence de l'ensemble, de l'humanité. C'est pour cette raison qu'il conserve ce qui dégénère. C'est à ce prix qu'il domine l'humanité. Quels sens ont ces conceptions mensongères? Les conceptions auxiliaires de la morale, l'âme, l'esprit, le libre arbitre, Dieu, si ce n'est de ruiner physiologiquement l'humanité. Lorsque l'on détourne le sérieux de la conservation de soi, de l'accroissement de la force corporelle, c'est-à-dire de la vie, lorsque l'on fait de la chlorose un idéal, du mépris du corps le salut de l'âme, qu'est-ce autre chose, sinon une recette pour aboutir à la décadence? La perte de l'équilibre, la résistance contre les instincts naturels, en un mot le désintéressement, c'est ce que l'on a appelé jusqu'à présent la morale. Avec Aurore, j'ai entrepris pour la première fois la lutte contre la morale du renoncement à soi.